tire mon épingle du jeu, que je ne suis pas qu'un sbire, un simple sujet. En penchant sur la question, je vois en moi qu'une sale éponge, un pur produit d'un mode de vie qui me rattrape et me ronge, ou pire, qui m'a toujours dépassé. Je me rappelle pas la dernière fois que je suis sorti du lit sans me tromper de pied. J'ai beau m'efforcer d'être ce mec assez calme, assez décomplexé, masquer ce côté carnassier, car j'accepte pas de l'avouer. Je fin d'être assasié, cadenassé dans une cage d'acier. Ni aveugle ni sourd, même du coin de l'œil, je vois ce qu'on nous fait miroiter chaque jour qu'on le veuille. Ou non, on est en plein dedans, les rêves préconçus pour jeunes, perpétuel printemps, dont les pousses nous dominent tous, plus ou moins nourrissent et entretiennent nos folies douces. Laisse-moi créer, mais tu me diras que c'est un bien grand mot pour que tu recycles un grillage dans le dos. Je façonne mes enclos à ma propre image bizarre. Pygmalion on est brotique, reste aussi explosif comme de l'exomutant. Mon univers exotique, je te le présente. Il est comme moi, marrant et plaisant. Fait de containers, droits éternes, abritant des congénères. Un job en guise de cathéter, bref, du bitume, du béton, saupoudré de bétail. Un parfum de démence qui s'en exalte, s'annexe, annexé dans l'excès pour acheter. Je veux toute la simplicité en full HD. Les doutes cachés dans une enveloppe cachetée. Fils du paradoxe, je suis son portrait tout craché. Ça fait 10 piges que je soliloque pour que ma folie sorte. Rime sur de jolies notes, esquive Johnny Walk. Que je compilote la cause de mes idoles polymorphes. Un love, peace and having fun, polyglotte. Est-ce que je brasse de l'air bruyamment, inutile, révolutionnaire, qui tira blanc. Évidemment que je nourris pour l'argent un amour pourri, ambivalent et rien à foutre si c'était pire avant. Intérim sans lendemain, un abîme sans entrain, guetté par une vie sous calmant qui me regarde en coin. Et plus je rappe à temps plein et plus j'en attends moins. Coupe chaque matin les fils d'intestin de sale pantin. Oui ma folie je porte un toast avec un cocktail molotov dans mon quotidien monotone. Et je vide mon sac lourd comme l'ont fait les blues. Même dans ce monde ouf où ne pousse que la folie douce. Le monde est cool, plus rien n'y pousse à part la folie douce. Poussez tous pour faire une place à ta folie douce. Le monde est cool, plus rien n'y pousse à part la folie douce. Poussez tous pour faire une place à ta folie douce. Le monde est cool, plus rien n'y pousse à part la folie douce. Poussez tous pour faire une place à ta folie douce. Le monde est cool, plus rien n'y pousse à part la folie douce. Marcus Antidoxa, folie douce.